Ben, qu'on critique, MC Toubab. Balance mon style de long en large dans la métropole. S'assurer une place dans le pop parmi les autres. J'ai l'art et la manière de faire, petit faire mon frère. Loin de se laisser faire, le tour à coup dans mes veines comme l'eau dans la Seine. Maître de la scène, on sème le bordel. On a la haine envers le système qui nous oppresse. À présent, faut que je me taise, faire monter le stress. À l'aise dans mes cortèges, je roule pour Mercedes. Le business, mon graisse en funeste, balance un SOS. Pour la jeunesse en détresse, les meufs rêvent d'un arc-en-ciel. D'une vie artificielle, avoir du Chanel par leur coco est superficiel. C'est un pour le combat, deux pour le peu rat, pour tous ceux qui ont la foi qui continuent le combat. Je veux réaliser tous mes souhaits sans me prendre des coups de fouet. MC de BAB, c'est pas du rap de bébé. Aujourd'hui je t'explique qui je suis. Je suis pas une caille ni un style. Style maïve en freestyle, y'a que le rap qui maille. Je veux un rapport logique, rapologiquement. Logiquement, faut que je représente les miens naturellement. Si tu me kiffes pas, casse-toi. Si tu kiffes, reste là. Faut le halam, faisons un fond et fais danser ta smala. Je suis le gars qui a bouleversé l'extrême droite. Les partisans de leur partie droite et je les fous à quatre pattes. Rabat, jamais je dis pas, je fume pas de cette là. Toujours sain dans ma tête et dans mon corps, je suis pas hardcore, tu sais quoi. Je suis aussi cuss qu'un stylo, à tout casser, je pèse 15 kilos. Alors c'est pas moi qui veux te brèche en ro. Soit albi ou négro, un chinois ou gajo, un baptou ou latino, je me présente et je te représente, yo. Donne-moi une feuille, un stylo, une taille de sky. Et en 10 minutes, t'écris un putain de freestyle. C'est OGA, du coup, critique MC Toubab, baby Ben. On vient mettre les pendules à l'heure et je connais les cloches comme Big Ben. Rien à foutre qu'on n'est pas du même quartier, qu'on n'est pas de la même vie. Perso, j'en ai rien à foutre qu'on mène pas la même vie. La malédiction revient et frappe à coup de stylo. Ouais, cache-toi, c'est dangereux. Comme si je passais ta mute avec Gilo. Adepte des spiritueux, appelle-moi OGA alcoolique. Je retombe toujours sur mes pattes, appelle-moi OGA acrobatique. Je viens de Saint-Paul, je représente ce putain de trou qui m'épaule. Je reste vrai, jamais changerai mon fusil d'épaule. J'écris pour les adeptes du système D, les démerdards. Pour les fous du pop et les couches d'as, anti-star, anti-star, saut du X. Écoute souterrain comme du BMX, j'ai pas la voix de DMX. Impertinent, je vois pas d'inconvénient. Je viens de la Sicile, fier de porter les couleurs au vert, blanc, rouge de mon pays. J'ai la double nationalité, que mon flow résonne jusque Pompéi. Pense aux êtres chers, disparus, graver leur nom sur le sable pour toujours. Que la mer les embarque en toute sérénité. La vie, un courant, un fleuve, un torrent, une cascade. Toujours omniprésent, je représente la devise en fort. Entourage, mes forces déchirées sur le beat. Y'a pas de mystère, je veux pas crécher au presbytère. Le rap une obsession, l'occasion de montrer ce que je vaux. Comme le vautour autour de la tour Eiffel. Grimpe les marches de la réussite, sans perdre l'artifice du mérite. Sans retour, nos potes s'irritent pour le manque de vice. Mission accomplie pour Iben. C'est un pour le combat, deux pour le peu rap. Pour tous ceux qui ont la foi qui continuent le combat. C'est un pour le combat, deux pour le peu rap. Pour tous ceux qui ont la foi qui continuent le combat. Iben, on critique, MC Toubab, on présente.